astres s'élèvent dans le ciel sous les rayons lunaires. Astres célèbres, envoyez vos deux jambes dans les airs. J'aimerais aller porter des lilas, j'aimerais dormir près de toi. Pour un vœu de plus, retire-moi les fortifications entières, les murs, les barrières. Astres s'élèvent, je suis noire ébène et céleste est ma terre. Astres célèbres, mon lointain rêve est un jour d'être père. Astres, je vous serre, soignez mes faiblesses. Ok, mon zèle pour la misère et mon ressourcement à la mer. À deux vacances cette année, astres me lamentent. Qu'elles sont chiantes, vos lueurs incessantes. Vos leurs me font dormir des heures et mon cœur essoufflé n'est plus très bon parleur. Astre, le vent du grand cosmique, l'être humain microscopique croit à cette nouvelle optique. Astre, fer jaune, rouge et puis bleuâtre, comme j'idolâtre votre théâtre, ne faites pas trop de désastres. Et je souhaite te garder, pouvoir t'enlacer quand ça me plaît. J'aimerais me laisser guider, embrasser fortement mes parents. Car la vie est une étoile filante. Car la vie est une étoile filante. Astre. Car la vie est une étoile filante. Astre. Astre. Car la vie est une étoile filante. Célèbre.